song, wondering who I'm talking about. I bet you heard the song, wondering who I'm talking about. Nights, emails that could evoke tears. I like you, I like you, I love you, I think I'm dying. My friend asked me for your email address. She said she'd take it from here. She said she'd try to walk you through the picture, but doesn't like you. For you nothing is clear. But why? Now she too is frustrated. And damn, that's been a year. Press pause and you're just cold. Oh, baby. You can't help yourself. Grand frais. Bonjour, ici la conservatrice du musée. Demain, c'est la livraison de l'inestimable sarcophage de Toutankhamon. Mais je ne peux pas, j'ai grand frais. Ils ont des poires françaises super juteuses. Je sens d'ici leur parfum. Mais laissez-le devant la porte, je le rentrerai en arrivant. Grand frais, c'est 300 fruits et légumes ultra frais disponibles chaque jour. Et jusqu'à vendredi, les poires conférences Origine France sont à 1,99€ le kilo. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais! Le meilleur marché. Catégorie 1, calibre 60-65 mm. Bon, j'ai regardé le planning, on n'a pas du tout assez de monde pour le 28. L'hôtel de Nina a été entièrement réservé pour un gros événement. Elle doit trouver du personnel de chambre en extra ou elle va se retrouver dans de beaux draps. Indeed peut l'aider à embaucher rapidement des profils de qualité. J'ai besoin d'Indeed. Avec Indeed, profitez d'un partenaire de recrutement tout en un. Créez vos offres d'emploi, filtrez les candidats, faites passer les entretiens sur une seule et même plateforme. Rendez-vous sur indeed.com/offre et profitez de 100€ offerts pour votre première offre sponsorisée. Offre soumise à condition. Les traders sont comme des chefs d'orchestre. Ils dirigent un ensemble d'instruments. Pour garder la maîtrise, il leur faut de bons outils. Avec eToro, les traders composent avec le marché grâce au calendrier économique. Ils restent en phase avec chaque instrument grâce au graphique TradingView. L'excellence exige les meilleurs outils. Téléchargez eToro aujourd'hui et commencez à trader plus intelligemment. eToro est une plateforme d'investissement multi-actif. Tout investissement comporte des risques de perte en capital total ou partiel. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Chérie, il n'y a plus d'encre dans l'imprimante. Ah bah justement, j'allais chez Bureau Vallée. Le pack de deux cartouches d'encre Canon noire et couleur est à 32,79€ au lieu de 40,99€. Et si tu ramènes les vides, Bureau Vallée te les reprend 4€, soit 28,79€ le pack deux cartouches Canon après rachat. Eh ben, qu'est-ce que je ferais sans toi? Bah c'est ça les bons plans Bureau Vallée. Bureau Vallée,

were met, you would have had the same effect, like some kind of punishment. The lack of a kiss did more than a thousand. It's less about you than a romance with a memory. Maybe it's best that we never meet again. You're just an idea to keep me company late in the night. You were never really here, not like the picture I have in my mind. Since the day we met, the only thing I regret is my taste for. It's about you than no romance with a memory. Maybe it's best that we never meet again. So I'm let down by reality. Shame me. Always on the same.

Je dois imprimer mes supports de formation en A4 et A3. T'as une idée ? Va chez Bureau Vallée. L'imprimante Brother avec sa tête d'impression Maxi Drive brevetée ultra rapide est faite pour les petites entreprises et les groupes de travail comme toi. Elle est à 159,90€ au lieu de 219€. Et Brother te rembourse jusqu'à 40€ en différé. Tu ne voudrais pas me former à tous tes bons plans ? Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas. Valable du 9 au 21 octobre sur l'imprimante multifonction jet d'encre Brother J5340DW. Conditions de remboursement sur bureau-vallée.fr. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Comme la micro-entreprise de Bertrand ou le commerce de Jacques, deux entreprises sur trois en France sont des entreprises de proximité. Elles se mobilisent chaque jour pour nous nourrir, nous bâtir un toit, nous soigner, innover et embellir notre vie. Chez Groupama, nous savons que ces très petites entreprises font de très grandes choses. Alors pour les soutenir, Groupama a créé les Trophées Pro, un concours qui récompense les initiatives locales des petites entreprises. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Les traders sont comme des chefs d'orchestre. Ils dirigent un ensemble d'instruments. Pour garder la maîtrise, il leur faut de bons outils. Avec eToro, les traders composent avec le marché grâce au calendrier économique. Ils restent en phase avec chaque instrument grâce au graphique TradingView. L'excellence exige les meilleurs outils. Téléchargez eToro aujourd'hui et commencez à trader plus intelligemment. eToro est une plateforme d'investissement multi-actif. Tout investissement comporte des risques de perte en capital total ou partiel. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avec Renew, les véhicules électriques sont enfin disponibles en occasion. Renault Zoe E-Tech 100% électrique d'occasion, 3 ans, 30 000 km, à partir de 5€ par jour, soit 149€ par mois. Renew, véhicule d'occasion électrique, hybride, essence ou diesel, reconditionné et certifié. Zoe Life 52 kWh, LLD 49 mois, 40 000 km. Premier loyer de 1984€ après déduction prime gouvernementale, voir service-public.fr, offre à particulier jusqu'au 18 novembre si accordiac, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer. Chez Conforama, on pense à ceux qui cherchent une cuisine vraiment à leur goût, mais qui rentrent dans leur budget. Profitez d'une offre de paiement en 30 fois sans frais pour l'achat d'une cuisine. La cuisine de vos rêves en plusieurs mensualités, c'est maintenant chez Conforama. Conforama, jusqu'au 13 novembre. Offre de crédit accessoire à une vente pour un achat de cuisine de 4 000 à 16 000 euros sur une durée de 30 mois. Sous réserve d'études et d'acceptation par le prêteur BNP Paribas Personnel Finance, 542 097 902 RCS Paris. Vous disposez d'un droit de rétractation, le coût du crédit est pris en charge par Conforama. Ok, on a deux nouvelles applis à livrer ce mois-ci. Faut que je trouve du monde. La start-up de Farid conçoit des applications mobiles. Et s'il n'agrandit pas son équipe de programmeurs, il va finir par bugger. Indeed peut l'aider à embaucher rapidement des profils de qualité. J'ai besoin d'Indeed. Avec la fonction évaluation sur Indeed, vous pouvez choisir l'un des 20 tests de compétences pour vous aider à évaluer des candidats et les trier selon les compétences que vous recherchez. Rendez-vous sur Indeed.com/offre et profitez de 100€ offerts pour votre première offre sponsorisée. Offre soumise à condition. iBoat, welcome on board. Cet automne, le bateau bordelais met le cap sur une belle saison de live. Dans la cale de l'iBoat ou dans le cabaret cosy de Blonde Vénus, venez découvrir les concerts de Kendra Morris, Nabiha Iqbal et de Kid Congo and the Pink Monkey Birds. Mais aussi ceux de Peter Kernel, Folaxoid, Newsberg ou encore la venue de Juan Waters le 7 novembre prochain. L'iBoat vous attend. Détails, programmation et billetterie sur iBoat.eu. Bordeaux Village open every day? Every day's opening. Are you sure? Le spot shopping et détente Bordeaux Village ouvre tous les jours, même le lundi. Le dimanche ou le lundi, c'est possible. Tout est ouvert. Les restaurants avec terrasse vue sur la Garonne, les boutiques tendances, les outlets pour faire le plein de bonnes affaires. À Bordeaux Village, c'est 7 jours sur 7. Nos infos sur bord-au-village.com. En gare 15 à 19, quai des Chartrons. Nova, le grand mix. Yo, we got any more of that brandy? Okay, yo, we got some. Yeah, let me get some of that. Yeah, yeah. I'm feeling saucy. Say what, this one right here, yo? Extra saucy. Yeah, Gemini. I'm about to get saucy for the people. You know how I do. Brooklyn's firstborn son. It's an addiction, you can call it an affliction. Fact, not fiction, make it hot up in your kitchen. You felt it, the sweltering heat kept you melting. Make the Celtics go deep in the bit, send some help in. Gym penetrate and go hard to the rack. Always hard on the track, that's regardless of plaques. Roll with the information, roll with the facts. Hard on any generation that claim they wanna rap. On your radio station, any location. US to Europe, I get heavy rotation. Niggas stop hating, you know Gym. You ain't never gotta worry about my head inflating. All my niggas and my bitches know I never get too big for my britches. This is never just about the riches, I do it for the love and the listeners. Listen, I made a few records, but I'm still struggling. If it was just about the paper, nigga, just be hustling. Listen, Mr. or Mrs., don't you ever get it twisted. I wanna get paid, but I still got a blaze. Yeah, I still got a blaze. Come on. What's my name? Big, big city, Brooklyn, Basquiat. The issue that I'm trying to address in this song is how a nigga stay this fresh this long. How's word game stay strong? Nowadays a lot of niggas come to play, but they don't stay long. You don't come to a gunfight with a knife. I'm talking about the line you sign, not the rhyme you write. Cause once you sign the line, your ass is passed. If you don't blow, blink your eyes, your time is past. So I take it to the public in the 100% time. Black, white, Latino, Muslim, Jew, Gentile. Would I be fouled if I gave a hater the reason to hate? Confiscate all the styles that I lent out, sent out, email, turned out to female. Do an in-store promo tour to retail. Pause for a second, listen up and hold this. Mr. Yeah. DJ, rock that. Go on to this. Before I cock back, bow, there goes the 4/5. But I ain't come up in the joint to start no shit. Don't trip. Just because a brother got a buddy so dip. They don't want to fast the mic because I'm gon' get all up in a nigga ass with every lyric that I spit. I paid the cost to be the boss on the side. I rock with the God Force. With the God Force. City, city, city, can't you see? Yeah. Gemini, the gift, the one. Okay. Like it or not, he's still hot. Woo. Big city, Brooklyn, Basquiat. What's my name? Big, big city, Brooklyn, Basquiat. I woke up in the function and I changed the polarity. My energy exchange give clarity to some. Who's prepared to be unplugged, come get your love. Rub elbows with a brother who's supreme with the flow. With my subconscious, I still dream with the flow. And I ain't just speaking words cause they sound deep. Come strong or don't bring this shit around me. And even if it's good, if you see me in the hood, Brooklyn, chilling in front of my mom's building. Don't ask me to rap cause I won't. I won't. I done got my general stripes and y'all don't. I done seen what y'all have not seen. Y'all viewing the world with infinite eyes. Mine's is 3D. Respect be in order when you see me, son. Don't get amped cause you cut your first demo. Eliminated incident, forget MCs is my MO. The problem is y'all don't respect a mic check. You gotta come with more than just a verse about your project or your hood or your block or your set. You might meet a nigga like me when you least expect. And I'll eat an MC who wanna be an MC. But I don't need the MC for y'all. Cut the check. I think I like this one. Okay. Come. City, city, can't you see? Gemini, the gift, the one, the OG. Okay. Like it or not, he's still hot. Big city, Brooklyn, Basquiat. Yeah, I like this. Big, big city, Brooklyn, Basquiat. What's my name? Big city, Brooklyn, Basquiat. What's big name? Big city, Brooklyn, Basquiat. What's big name? Big city, Brooklyn, Basquiat. What's name? Is? De toute façon, je ne me jette pas sur les types juste après leur divorce. Non, toi, tu te jettes sur les types 5 minutes avant leur mariage. Oh. Qui n'en veut. Et en a. Tiens, moi aussi, j'en veux. Quelle heure est-il? Permettez-moi de remettre les pendules à l'heure. 17h, c'est bien cela? C'est ça. Voilà qui est intéressant. C'est Nova. Chasing the

Bordeaux, Bordeaux.

piano le care vernice, capisco un orologio ammazzare la vita. Capisco la luce squarciare il buio, capisco camuffarsi per non essere derisi, capisco un abito passare di moda, capisco in te chi non mi crede. Capisco i sogni ma senza mischiarli, capisco chi piange il suo avvenire, capisco chi si insegue in un vecchio ieri. Les mots, c'est aussi de la musique sur Nova. Nova Bordeaux. montagne. Elle caresse ma colonne vertébrale dans le noir. Je ne la distingue pas. Thank you. concrete. It took a hold of me, put me on repeat. Now your life's routine, and you start to lean towards an escape. But I refuse to stay. It eats away.

Voir conditions sur carglass.fr. Ariane Construction. Et si votre maison était un peu plus cosy pour vous y sentir mieux? Un peu plus modulable pour vous faciliter le quotidien? Un peu plus éthique avec des matériaux choisis pour préserver la planète? Souvent, les petits plus font les grandes différences. Ariane Construction, la maison naturellement éco-responsable. Découvrez nos engagements sur arianeconstruction.com. Peugeot. Les voitures électriques sont trop chères? Pas chez Peugeot Stellantis et New Bordeaux. Retrouvez i208 Style suréquipé de 222€ par mois avec peinture métallisée et caméra de recul. Les instants i208 100% électriques, c'est zéro contrainte, sans apport et sans condition de reprise aux ressources. Exemple pour i208 Style de démonstration 0 km. LOA 40 000 km, 49 loyers de 222€. Nombreux coloris et finitions dans la limite des stocks. Offre réservée aux particuliers chez Peugeot Stellantis et New Bordeaux, Le Bouscat, Mérignac, Pessac, Lormont, Villeneuve-d'Ornon. Pensez à covoiturer. Nova, le grand mix. Mais servir, ça gonfle. Surtout que c'est de la confiture au cochon. Désolé, mais je crains fort que ce soit toi qui te torche le gras d'eau. Un vol de vie pellule marque l'heure dans le ciel, remplace les réveils par le soleil et les oiseaux moqueurs chantent en cœur guerrier. Le temps du bonheur. Quelle heure avez-vous? 18 heures. Ça m'épate. C'est Nova. In his world. We're only happy. It must be happy. It must be happy. It must be happy in his world.

pars dans un sanglot. Nova. Le grand mix. From listening to records, I just knew what to do. I mainly taught myself. And, you know, I did pretty well, except there were a few mistakes, but I have just recently cleared up, you know. I'd like to just continue to be able to express myself as best as I can in history. You know, I feel like I have a lot of work to do still. You know, I'm a student of the drums. And I'm also a teacher of the drums, too. Distributing all he receives slowly until it becomes a part of him.